Bienvenue à Objectif numérique, troisième épisode de notre podcast sur la photographie numérique que nous avons intitulé « iPhonographie ». Vous l'aurez compris, l'épisode va porter sur la photographie avec un téléphone portable, plus précisément l'iPhone. Mais on a aussi d'autres sujets pour vous. Restez à l'écoute. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Salut. Donc, pour cet épisode, Christian, de quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler des capteurs, les différentes grosseurs de capteurs. Dans le fond, c'est quoi la différence entre un capteur d'une DSLR et le capteur d'un iPhone? Parfait. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'objectifs pour iPhone. Ensuite de ça, François, toi, tu vas aborder... On va parler de flash, comment bien l'utiliser. Parfait. Et on a une invitée pour cet épisode, Caroline Cloutier. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous parler d'applications de photographie à utiliser avec l'iPhone. Parfait. On va commencer par remercier nos auditeurs pour leurs commentaires, suggestions et leurs questions. On reçoit des petites questions par courriel et puis, d'habitude, on répond directement à la personne, mais on garde les sujets en banque pour élaborer au profit de tous. Et puis, aussi, on a des fans en France, messieurs, dames. Hey, c'est-tu pas génial? Oui, oui. Alors, je sais pas si on a eu beaucoup de misère à nous comprendre, mais ça n'a pas l'air. Là. On en profite pour les saluer. Et puis... Salut! Bonjour les cousins. Donc, pour nous rejoindre, si vous voulez nous envoyer commentaires, suggestions, questions, c'est tout simplement par courriel à podcast@objectifnumerique.com. ou encore balado à objectifnumérique.com, c'est selon votre préférence. Sinon, via Twitter, vous pouvez nous rejoindre à O Numérique. Et puis, évidemment, le site web, on y poste à l'occasion des petits articles et aussi des notes sur chaque épisode, des notes complémentaires avec des liens, des images, des explications. Donc, sur objectifnumérique.com. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le premier sujet. Christian, à toi la parole. Merci. Dans le fond, c'est ça. Comme je savais qu'on allait parler du iPhone, de photographie par téléphone, je me suis dit qu'une des choses qui serait intéressante de discuter, c'est la grandeur des capteurs. Ça l'explique, entre autres, beaucoup pourquoi une photo sur une caméra est souvent bien meilleure qu'une photo sur un téléphone. C'est la grosseur du capteur. C'est ça qui va saisir l'image dans la caméra. Pour vous donner vite une idée, il y a quand même plusieurs grosseurs. Il y a la grosseur 35 mm qui était la grandeur, dans le fond, des films qu'on avait dans le temps. Le 35 mm, c'est un standard. Puis c'est ce qu'ils appellent le full frame. C'est les caméras professionnelles des photographes. C'est des full frame. On parle de la Canon 1DX ou ben non, là, du côté Nikon, la D4, la plus récente, les deux plus récents. Puis après ça, on descend toujours dans le DSLR à ce qu'il appelle APS-C. C'est aussi en anglais crop factor ou le senseur qui... Comment vous traduiriez-vous le crop? Rognage. C'est bien? C'est bon. Un capteur rogné. Un capteur rogné. Non, mais... facteur de rognage. Non, c'est excellent. Dans le fond, c'est vraiment ça parce que, pour vous donner juste une idée approximative, là, un capteur full frame, c'est 864 mm². Ça, c'est full frame. Dans le cas de APS-C, c'est 270 mm². Fait que c'est même pas tout à fait la moitié. Fait que ton capteur, à un moment donné, veut pas, c'est sûr que ça va avoir une influence. C'est tout le data qui rentre à l'intérieur de ça. Fait que tu peux pas t'imaginer d'avoir autant de détails, de choses. Ça peut être comparable parce qu'il y a quand même... des choses qui vont se faire. Exemple, Nokia a sorti un capteur pour téléphone cellulaire à 36 mégapixels, si ma mémoire est bonne. 36 mégapixels. Dans un téléphone. Exact. Celui de Nokia, c'est 41 mégapixels. C'est 40. T'as raison. T'as parfaitement raison. C'est 41 mégapixels. Excuse-moi, 36, c'est. Je crois que c'est la dernière Nikon qui a 36 mégapixels, la D800. Je me suis trompé. Exact. C'est ça. C'est 41 mégapixels, mais ce qu'il fait, c'est qu'il. Il fait tout simplement. Il prend l'image puis il la retransforme en 5 8 mégapixels. Ça dépend de la qualité que tu décides. Là. C'est sûr que tu peux aller. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de détails parce que dans le fond, on parle d'une très grande image, puis on fait une extrapolation, puis on réduit, puis on se ramasse juste avec l'image. Fait que le niveau de détail est quand même assez surprenant. Puis tout ça, ben, si vous voulez, mettons comme une image pour un téléphone cellulaire normal, on parle de capteurs de 25 mm carrés. Fait que là, on est rendu à 10 fois moins que notre senseur Rogier, qui lui-même est même pas la moitié de notre full frame. Fait que c'est sûr et certain qu'on peut pas s'attendre à avoir le même niveau de détail. C'est clair. Non, à vrai dire, c'est pas clair, c'est flou parce qu'il y a moins de détails. En effet. Exact. Tout à fait, tout à fait. Puis, ben, le gros point aussi qui est quand même assez important, c'est la performance aussi quand il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est quelque chose qui va changer beaucoup entre un full frame, un crop sensor, puis les autres, c'est vraiment là que la grosse différence va arriver. C'est là qu'on va pouvoir avoir une meilleure sensibilité à la lumière. Pourquoi? Je vais être franc avec vous. C'est quelque chose de physique. C'est tellement complexe. Pourquoi? J'ai bien essayé de le lire. J'ai bien essayé ça. J'ai jamais été très fort en physique. Je sais la différence. Je sais, comme je disais, que le full frame est plus sensible à la lumière, etc. Mais pour ce qui est vraiment de la raison exacte, là, si quelqu'un arrive à l'expliquer de façon simple, on l'invite au show. Oui, mais c'est ça, je m'en ai dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos auditeurs qui a la connaissance pour vous le mettre en français. Sans blague, je l'inviterais. Parce que, sincèrement, même moi, comme je dis, j'ai essayé de lire, puis c'est pas particulièrement clair la différence. Pourquoi? Par contre, c'est ça. Fait que, finalement, plus votre capteur est gros, plus il y a de détails, plus votre photo va en avoir. Donc, potentiellement plus intéressante. Mais encore là, c'est sûr que, bon, on en a déjà parlé, puis on va en reparler. C'est pas nécessairement important toujours d'avoir la plus de détails. Ça dépend de quel effet qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Tout est relatif, là, de qu'est-ce qu'il y en a. Mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir rediscuter, j'en suis sûr. Oui, absolument. T'avais fait le tour... C'est pas mal ça. Je veux dire, on pourrait en parler pendant probablement une émission au complet, ouais. Mais aussi, il ne faut pas non plus mélanger les gens. Là. Disons que il y a peut-être un détail qui pourrait être intéressant, par contre, à savoir de plus. Ça, c'est vrai, je pense à ça. C'est que le capteur, le plein capteur versus le capteur Rogier pour les DSLR, a une chose aussi qui peut être particulièrement intéressante, c'est que le capteur Rogier, ce qu'il va faire, exemple, si on a une lentille qui est marquée 70-300, exemple, mm-hmm. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le 70-300, c'est assumé en étant un capteur plein. Donc, si on a un capteur Rogier, il faut qu'on multiplie ce chiffre-là par 1,6 fois pour avoir la réelle focale de qu'est-ce que c'est. Si c'est Nikon, eux autres, ça, par contre, c'est 1,5 fois. Dans le cas de Canon, c'est 1,6 fois. Puis, bon, il y en a un autre ici qui est 1,3, là, mais bon, on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est ça, ce que ça fait, c'est l'avantage que ça a, c'est que votre 70-300, en réalité, devient... 400, 400... 400... 80, 500, je sais plus trop, je sais qu'il y a des sites où on peut le trouver exactement. 480. Là. Bon, c'est ça. Fait que, dans ce cas-là, ça peut être un avantage très appréciable, parce que, quand exemple, si justement votre lentille, ben, elle va prendre votre photo plus loin. De la photo d'oiseaux. Exactement, ça, exactement. Il y a beaucoup de monde qui préfère avoir justement des capteurs Rogier parce que ça te permet d'avoir une plus longue focale avec la même caméra en réalité. Mm-hmm. Par contre, si on retourne ça de l'autre bord, ça a aussi un désavantage. Si on essaie de prendre une photo à angle large, dans les 8-15, mettons, le problème, c'est qu'on a la même issue. Ce qui est à dire que notre lentille est rendue une 12... plus la moitié, 22, 23. Fait que ça fait que il y a des effets que beaucoup de monde aime ça faire, c'est à 8, on a un effet presque rond. Mm-hmm. Puis, avec un capteur Rogier, on est incapable d'avoir cet effet-là. On va toujours avoir un petit peu de noir sur les coins. On peut pas avoir le rond parfait. C'est pas nécessairement grave. Encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Fait que c'est sûr que si vous voulez faire cet effet-là, c'est sûr et certain que ça vous prend un plein capteur. Si vous voulez pas faire cet effet-là, ben c'est quand même bon. Là. Je veux dire, on peut faire quand même un effet où il y a une déformation quand même intéressante malgré tout. C'est juste qu'on peut pas y aller jusqu'au point complètement rond. Mais bon. Là, on tombe justement dans des trucs plus techniques. Ou, exactement, c'est ça. Là. Disons que pour la majorité du monde, ça fera pas une grosse, grosse différence. Par contre, comme je disais, l'avantage qui est majeur, c'est vraiment le fait que là, votre lentille va plus loin. Ça, je dirais que pour beaucoup de monde, ce point-là, c'est intéressant. Mm-hmm. L'autre, l'angle large, mettons, c'est moins utilisé un peu. C'est pratique pour faire des photos paysages, etc. Mais en général... Dans des pièces plus... Ouais, rien de maison, t'en as besoin. Tout à fait. Un angle large, ouais. Sauf qu'encore là, c'est bien rare que pour des photos comme ça, tu vas prendre, comme je disais, un objectif, oui, je m'en allais dire lentille, mais c'est bel et bien objectif qu'on doit dire, un objectif 8-15, parce que, comme je disais, ça va donner vraiment un effet trop rond rendu à ce point-là. Ouais. Fait que c'est peut-être plus comme des 18, 17, 24, quelque chose comme ça, qui est plus dans la moyenne, qu'on a assez fréquemment. Comme ben, les objectifs qui viennent normalement avec les caméras, c'est des 18-55. C'est pas mal la moyenne de qu'est-ce qui vient avec une caméra. Là. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour, tu sais, je dirais, simple de qu'est-ce que ça allait. Pour ce qui est des caméras point and click, eux autres, c'est plus comme des entre 38 mm et 43 mm les senseurs, les capteurs. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu plus gros qu'un téléphone, mais c'est encore très, très, très loin d'une DSLR. Mais bon, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des bonnes photos. C'est juste que faut pas s'attendre au même niveau de détail. Mm-hmm. Bon, parfait. Écoute, justement, tu parlais des objectifs à 8 mm qui donnaient un effet qu'on appelle fisheye, dans le fond, d'œil de poisson, mm-hmm. parce que ça arrondit l'image. Justement, moi, je vais vous parler des objectifs pour iPhone que j'ai acheté sur le site photojojo.com. Vous pourrez consulter les notes de l'épisode. Là, je vais mettre des photos de ces petits objectifs-là. Ils sont vraiment mignons, ils sont tout petits. Ouais, ouais. Puis ils sont pas chers en plus. Ça coûte environ 20 à 25 $ par objectif. Puis pour le lot ensemble, il me semble que ça m'avait coûté quelque chose comme 50 55 $ là, pour les trois. Donc, j'avoue que je les avais vus moi aussi, puis j'étais franchement tentée de me les acheter. Christian... Puis là, je les vois physiquement, là, puis je craque. Là. Ouais, Christian est déjà en train de déballer. Parlant de craquage, non, tu peux le déballer, mais c'est ça, parlant de craquement, c'est ça. Moi, je les ai essayés, et puis ça peut être intéressant ce qu'on peut faire avec ça. Bon, il y a un grand angle qui... Ben, en tout cas... Pour faire du grand angle ou pour utiliser le zoom, la qualité est plutôt moyenne dans les coins là, de l'image, mais ça donne quand même l'effet escompté. Ça reste qu'une lentille à un objectif à 20 $. Ben, c'est ça. Tu peux pas t'attendre à une qualité de verre qu'on retrouve dans une caméra avec des lentilles interchangeables. C'est impossible. C'est quand tu as des 7-8 éléments dans des lentilles, puis celle-là, ben, tu en as un. Ouais, fait c'est, que, ça. C'est sûr que... Oui, mais encore là, la photo, c'est une question de qualité d'image, mais c'est aussi une question de composition, d'émotion, exact, d'histoire ça. Que tu veux raconter. Oui. D'avoir ces outils-là pour t'aider à faire des meilleures photos, c'est quand même intéressant. Surtout pour la portabilité de ce que ça peut faire. Là, Stéphane nous montrait des exemples de photos qu'il a fait en mode macro. Puis franchement, le niveau de détail qu'il était capable d'aller chercher avec son téléphone, ben justement, j'étais quand même impressionné. C'est mon préféré, l'objectif macro, parce que vraiment, ça donne un niveau de détail qu'on n'est pas habitué de voir, justement. J'ai pris, je le remettrai aussi dans les notes de l'épisode, j'ai pris une pièce, un roi dans un jeu d'échecs, et puis vraiment, là, tout le détail, on voyait carrément un grain de poussière qui s'était ramassé dessus, puis c'est vraiment impressionnant pour une vingtaine de dollars, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là. Je me suis bien amusé à toutes les essayer. Le kit que tu as d'ailleurs, tu as quoi, 3-4 lentilles? Ben, en fait, il y en a 3, mais celui de l'objectif macro contient le grand angle. Okay. Donc c'est un 2 pour 1. Ils se vissent ensemble. Juste ça, là, c'est un gros plus pour son appareil photo. C'est incroyable la différence que, en fait, le plus qu'on peut aller chercher avec ça. C'est ça. C'est vraiment un 20$ bien investi. Oui. pour avoir vu les photos, c'est magnifique. Mais moi, franchement, avec sur PhotoJojo, faut que j'évite d'aller sur ce site-là parce qu'ils ont beaucoup de petits gadgets vraiment intéressants pour la photographie d'iPhone. Puis ça, c'en est. Oui, puis ils s'en rajoutent constamment. Oui, c'est ça, là, des trépieds, des adaptateurs pour mettre des vrais objectifs de caméra sur l'iPhone. C'est vraiment. Tu peux adapter des vrais. Il y a vraiment un marché d'accessoires qui se développe là, pour ceux qui font de la photographie téléphone. Là. Dans le cas de mes petits objectifs dont je parle depuis tantôt, c'est un espèce d'aimant qui se colle au iPhone. Donc, c'est sûr que si vous avez un étui, c'est plus ou moins pratique. Je l'ai essayé. J'ai essayé de le laisser à l'intérieur sous mon étui. Puis, à force de le mettre dans une poche ou quelque chose, l'aimant se décolle, se déplace. Mmh. Donc, c'est plus ou moins embêtant. Pas commode. Par contre, si vous n'avez pas d'étui pour votre téléphone, c'est très bien. Puis, l'aimant est très fort. Ça colle vraiment bien après le petit truc. Alors, Christian, tu vas faire le test. Oui, Christian c'est va faire exactement ce que je me prépare tu peux à faire. Le petit papier, là, pour. On fait un c'est test. Comme les annonces de super glue. Oui, alors, je vais décrire l'action. Non, alors, Christian décolle. Ça fonctionne. L'étiquette. C'est ça. Est-ce que tu as un nain qui va venir tirer dessus, là, comme non, dans les annonces? Non. Mais la minute où tu vas appuyer, justement, voilà. Donc, oui. Ça, non, sans blague, c'est vrai que ça tient très bien. C'est surprenant. C'est très surprenant. Donc, de toute façon, là, c'est difficile de décrire comme ça. Vous ne le voyez pas. Mais pour non, mais moi, prix, je trouve ça vraiment intéressant. Puis surtout que je connais beaucoup de parents qui utilisent leur iPhone comme téléphone pour leur enfant. Oui. Ça peut être vraiment des accessoires intéressants à mettre dans les mains d'un enfant puis voir quel genre de photos ils vont être capables d'aller chercher avec ce type d'objectif-là. C'est vraiment quelque chose d'abordable qui peut rendre ça bien intéressant. Oui. Justement. On se trompe pas. Avec un prix comme ça, là, c'est... C'est vraiment un considérant que des lentilles macro, ça vaut plusieurs centaines de dollars. 700, 800 et plus. Là, c'est assez surprenant l'effet que tu es capable d'avoir avec. Oui. Donc, ça fait pas mal le tour. Moi, c'était un petit sujet rapide ce soir parce qu'on a beaucoup de matériel, beaucoup de sujets à traiter. Donc, je vais laisser la parole à François. On va parler de Flash. Bon, là, je vais m'adresser aux personnes qui ont surtout des DSLR, parce qu'il y a des point-and-shoot ou point-and-click, ou je ne sais jamais les comment appeler compact. Ça. Caméra compacte. Le flash est intégré, on ne peut pas vraiment le déplacer. Bon, fait que j'ai pas vraiment grand truc à donner là-dessus, mais sur les caméras DSLR et ceux qui ont des flashs détachables, en fait, qui s'installent sur le dessus de la caméra, vous avez sûrement tous fait ça à un moment donné, on prend une photo d'une personne... En face, on met le flash directement sur elle. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un visage bien éclairé, mais un résultat pas très, très joli. C'est-à-dire, le flash provient de la même direction que ta lentille. Ça donne un effet reluisant sur la peau. C'est vraiment pas beau ce que ça donne. Ça colle la personne au background aussi. Ça a le malheur d'être proche d'un mur. Ça détache pas du tout la personne du mur. Ça l'écrase. Parce que la lumière, elle est complètement... comment je pourrais dire ça, flat en anglais, c'est complètement écrasé, si on veut. Ouais, égal dans son visage. Ouais, en fait, égal, c'est que t'as plus d'ombre. T'as plus dans la vie, les sources de lumière, ça vient un peu partout. Ça vient du plafond, ça vient de la lampe si on est à l'intérieur. Si on est à l'extérieur, ça vient du soleil. C'est jamais dans un angle à la hauteur des yeux, généralement. Là, t'sais, c'est toujours au-dessus de nous, sur le côté. Alors, ce qu'on veut faire, c'est surtout... rendre la lumière plus douce. Bon, ça a l'air facile à faire. Ça ne l'est pas. Si on utilise un flash directement sur la personne, c'est ce qu'on appelle une lumière dure. La lumière, elle est directe sur la personne. On veut la faire rebondir. C'est ça qu'on veut utiliser. Il y a plusieurs façons de faire rebondir la lumière. On va y aller avec la plus facile. On pointe son flash vers le plafond. Alors, si on est à l'intérieur, ça va faire une belle lumière diffuse parce qu'elle va être réfléchie... dans plein de directions au lieu de prendre d'une seule source. Ça, c'est vraiment le conseil le plus simple à réaliser en termes de réflexion. Justement, chez PhotoJojo, pour ne pas le nommer, pour ceux qui ne veulent pas payer le 400 $ pour avoir un flash, il y a un très beau gadget qui c'est juste un truc, un diffuseur qui se met sur le dessus de la caméra, qui utilise ton flash justement pour le faire rebondir sur le plafond. Ça fait vraiment des résultats super intéressants. Puis ça coûte entre 20 et 30 $. Donc, c'est un bel achat pour ceux qui ne veulent pas investir dans un flash. Puis, qui aiment ça, par exemple, quand ils font des fêtes d'enfants à la maison, avoir un peu plus de lumière, puis avoir des photos qui sont super intéressantes. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment trippé à travailler avec. Ça m'amène à, justement à mon deuxième truc, c'est un réflecteur justement qu'on attache sur le dessus du flash. Et le flash, on le dirige vers le haut, mais le réflecteur donne un angle à peu près de 45 degrés. Donc, la lumière, elle est indirecte, encore une fois, elle va rebondir sur le carton qui est disposé à 45 degrés. Ça va éclairer vers l'avant. Encore une fois, ça va être une lumière pas mal plus douce. La caméra va s'ajuster, évidemment, si on est en mode automatique. Puis, il y a d'autres accessoires aussi, comme le Omnibounce là, de Gary Fong, oui. Qui est l'espèce de cercle. Que j'ai. Tout à fait. Que j'ai aussi. Ça, est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que ça va bien? Ça marche très, très bien. Mais si du monde veut un truc qui est encore plus facile que ça, prenez un carton de lait en plastique, puis vous faites un trou dedans, vous faites le dessus, puis vous êtes capable de faire le même résultat. Sincèrement, ouais. On s'en cachera pas, là, c'est vrai que ça fait le même résultat, parce que l'important, c'est d'avoir... C'est un peu moins sexy, par exemple. C'est pas élégant. C'est définitivement pas... Ouais. Ben, il y a le côté élégant qui est pas là, puis il y a aussi, c'est moins durable, soyons francs. Celui de Gary Fong... C'est renouvelable, par exemple. Oui, c'est ça. Le Gary Fong est très, très, très solide. C'est un excellent plastique, c'est pour ça que j'ai pas à me plaindre. Puis c'est vrai, comme tu disais, ça diffuse beaucoup la lumière. Dans le fond, c'est le défaut de l'autre, si mettons on envoie vers le haut, mais c'est parce que souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un peu d'ombre en dessous des yeux. Oui. Tandis qu'avec celui-là, ben il va en avoir un petit peu aussi qui va tout le tour qui va être illuminé en même temps. Puis ça se détaille autour de combien? C'est très cher. Okay. Oui, c'est très cher. C'est 90$. Ok, quand même. Ça reste un bout de plastique. Okay. Moi, j'avoue c'est que... le Tupperware du réflecteur. Si on regarde la forme que ça a. Oui, mais c'est le pire, c'est que tu as parfaitement raison. C'est vrai que oui. Il y a même un couvercle qui s'enlève. Oui, absolument. Puis le couvercle a des... Ouais, ça a certaines utilités. Finalement, tu es en train de me dire que je préfère la même chose. Au lieu de le faire avec un carton de lait, je pourrais acheter un Tupperware puis j'aurais le même résultat. Probablement, oui. Exactement. Si c'est semi-transparent, oui. Et tu aurais de l'air professionnel. Okay. Exactement. Ou ménagère. Oui. Moi, la seule raison, honnêtement, pourquoi j'en ai acheté un, c'est que j'ai fait un petit contrat photo pour un ami puis je lui ai dit, ben garde, je te charge tant. C'est ton pot de vin, c'est ça? C'est à peu près ça. Je te charge tant, fait que en conséquence, je m'achète ça pour t'aider à prendre tes photos. Fait que ça a parfait, ça a fait ma job. Alors, il y a aussi un autre truc qui est assez populaire, ce qu'on appelle en anglais un softbox ou une boîte de lumière, si on peut traduire ça comme ça. Ça fait encore une fois le même effet, sauf que, bon, on imagine, vous êtes tous allés en studio à un moment donné voir des photographes, ils ont ça, des espèces d'énormes boîtes de lumière. C'est la même chose, mais pour le flash. Ça se plug direct dessus. Et puis, à l'intérieur, il y a des petits côtés argentés et la lumière sort par un côté plutôt comme une soie. Donc, la lumière, elle se réfléchit une couple de fois en dedans. C'est comme une antenne parabolique inversée. Là. Non, tout à fait. En fait, elle se trompe, elle pense au parapluie. Toi, tu penses au parapluie ou parce que tu as les deux concepts, tu as le parapluie et tu as le softbox? Non, mais moi, je parle le parapluie, mais inversé. Ouais, avec ça. Recouvert de miroir comme une mais étoile ça, c'est de la pas mort. Un softbox, ça. Oui, les softbox, tu as des parois intérieures avec une espèce de tissu argenté qui permettent de renvoyer vraiment toute la lumière vers l'avant. Elle va rebondir plusieurs fois à l'intérieur avant de sortir. Photo sur le blog, photo. Oui, c'est ça. Oui. Mais moi, c'est parce que j'ai fait quelques sessions en photo, puis tu as les deux. Comme je disais, tu as le softbox qui est la grosse boîte, puis tu as le parapluie dans l'autre sens aussi. Les deux ont certains avantages très différents. Le parapluie se trouve être ouvert, le softbox, lui, est fermé. La lumière est vraiment à l'intérieur de la boîte. Fait que... Alors, c'est ça. Sinon, on est mal pris. Ça s'installe. Excuse-moi. Ça s'installe sur le flash directement? Directement sur le flash. C'est pas quelque chose que tu as besoin de mettre sur un trépied ou à côté? Non, pas du tout. C'est direct. On parle toujours de flash qu'on installe sur le dessus de la caméra. Un flash monté, là. Oui, un flash monté. Puis le softbox s'installe sur le flash. Et à ce moment-là, on peut diriger le flash directement sur la personne parce que la lumière, elle est filtrée. Puis ce qui m'amène à dire, regarde, tantôt tu mentionnais hors d'onde. Le trick du Kleenex, ça fait la job. Absolument. Mais surtout si on n'a pas justement de flash monté, parce que souvent le flash intégré à une caméra, même un DSLR, est tellement violent que le truc de mettre un Kleenex sur son pour atténuer... Une feuille de bounce. Ouais. La feuille de bounce, c'est bon. Ça. Oui. C'est odeur de lavande quand tu prends des photos. Un Kleenex, c'est tous des trucs que j'ai déjà utilisés. Puis si on est vraiment pauvre, là, on prend carrément une feuille de papier et un élastique. Et on le place en réflexion au-dessus du flash, comme on mentionnait tantôt, puis ça fait la job. C'est pas chic, mais ça marche. Mais ça peut dépanner, en tout cas. Exact, mais si vous voulez, moi, c'est parce que je pensais que tu parlais de flash sur trépied. J'avais oublié que tu parlais de flash. Non. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, moi, ce que je m'ai déjà acheté, c'est le petit softbox, comme tu disais, sur un Flash Cobra. J'ai acheté ça sur eBay. Ça m'a coûté 5$. C'est pliable. Puis dans le fond, tout ce que c'est ça. C'est un petit softbox qui se plie, que tu mets sur ta caméra, puis le résultat est incroyable. Sérieusement, ouais. Ça fait tout la différence. C'est un 5$ très, très, très bien investi. Parfait. Donc, ça fait le tour du sujet, ça aussi. Ça fait pas mal le tour. On va maintenant céder la parole à notre invitée, Caroline Cloutier. Bonjour. Donc, c'est ça. Moi, je viens parler d'applications pour prendre des photos avec un iPhone. Je sais qu'il en existe tout plein. Puis, franchement, je prétends pas faire le tour aujourd'hui parce que j'ai juste regardé aujourd'hui ce qui se fait dans le App Store. Puis, c'est étourdissant le nombre d'applications qui ont été lancées dans les derniers 6 mois. Il y a vraiment un âge d'or de la photographie iPhone qui est connu dans le jargon sur le iPhoneographie. Avec le 4S, t'en parlais tantôt, Christian, de la grosseur des capteurs. On est rendu avec un 8 mégapixels quand même avec le iPhone 4S qui prend quand même des photos assez respectables. Oui, c'est décent pour un téléphone parce que j'en ai testé au moins plus qu'une douzaine là, de téléphones Android, tout ça, puis même les téléphones, les Windows Phone, puis pour un capteur qui doit être tout près de la même taille que celui du iPhone. Les résultats sont pas là. Moi, à date, je suis super satisfaite. Puis, je dois dire que, en tout cas, pour mon humble personne, l'iPhone a vraiment remplacé le point and click dans ma vie. C'est vraiment... J'ai toujours le téléphone avec moi. Fait que si je vois quelque chose d'intéressant, je prends une photo. Puis après ça, je me sers des applications pour en faire un traitement, créer de l'émotion, jouer un petit peu avec le brightness contrast. Parce qu'on s'entend, les photos d'iPhone, tu en as parlé tantôt, le niveau de détail est moins là. Puis t'as beaucoup de bruit aussi. T'as moins beaucoup de bruit. T'as un petit peu de t'as pas beaucoup de luminosité, c'est le ça. Bruit. Puis le flash de l'iPhone dessus, fait que c'est vraiment... Ouais. Tu veux pas utiliser le flash de l'iPhone quand tu prends des photos. J'ai utilisé le flash de l'iPhone ou de tout téléphone. En fait, c'est pas vrai. Il y a une très bonne utilité, le flash de l'iPhone. Comme lampe de poche. Lampe de poche, exactement. Comme lampe de poche. Ça, c'est clair. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe là, par exemple, Caroline, t'as raison. On a tout à peu près un téléphone sur nous, avec une capacité de prendre des photos. Puis ça ne remplacera jamais une caméra DSLR. Pourquoi? En fait, ça remplace très bien, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est toujours prêt à prendre une photo. Ouais. S'il y a un moment, c'est tellement plus rapide de le prendre avec sa caméra, peu importe, là, on parle de combien de mégapixels, on s'en fout. Là, c'est le moment, si tu l'as, tu l'as. Mais okay. Au-delà de ça, tu sais, je lisais un article dernièrement qui parlait de, je vais lire son nom parce que je l'ai pas retenu par cœur, de Monsieur Damon Winter qui a gagné un des prix de photographie l'an passé. Puis sa photo gagnante, il l'a pris avec Ipstamatic, qui est une des applications que je vais parler tantôt. Puis ce qu'il disait, puis je suis tout à fait d'accord avec son propos, c'est que l'iPhone, c'est beaucoup moins intrusif qu'une grosse caméra. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'impression que tu les prends en photo. Tu as une relation d'intimité qui est vraiment différente. Puis moi, je le vois beaucoup parce que mon blog parle de bouffe. Fait que quand je vais au restaurant puis que je prends des photos avec ma grosse caméra, j'attire l'attention. Les gens viennent me voir, ça pose des questions. Alors que si je les prends avec mon iPhone, puis souvent, j'ai des résultats qui sont quand même bons parce que en photographier de la nourriture en restaurant, c'est extrêmement difficile. Ça prend des bonnes conditions lumineuses que tu n'as jamais le soir. Quand tu sors, caméraman de Ricardo. C'est ça, exactement. Quand tu sors, le flash, ça tue la qualité de la bouffe. Souvent trop bleu, Fait que je préfère de loin utiliser mon iPhone, prendre des photos qui ont l'air un petit peu plus artistiques, qui rendent plus hommage à l'émotion que la nourriture me donne, que de dire OK, je vais faire la shot parfaite justement qui pourrait être en couverture de Saveur Magazine ou de Ricardo. Puis tu passes incognito. Puis je passe vraiment incognito avec l'iPhone, ce qui me fait des fois que je suis capable de prendre des photos, par exemple, des gens qui sont au service, des gens qui cuisinent. Ça crée une relation d'intimité qui est vraiment différente que d'arriver avec la grosse caméra qui est un peu intimidante pour certaines personnes. Tout à fait, parce que tu as l'impression que tu vas te retrouver dans une publication ou quelque chose automatiquement, parce qu'avec une grosse caméra, c'est... Mais c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a une petite caméra qui est sortie, qui est la Lytro Lightfield, qui permet de changer la... comment on appelle ça? Non, la profondeur de champ. Le focus. Puis j'ai vu une vidéo, puis il y a quelqu'un qui se promenait avec ça, puis ça a l'air... C'est un petit rectangle, cube, c'est tout, ouais, petit, c'est minuscule. Puis le gars, il se promène, puis il est dans la foule, puis il prend des photos de tout le monde, puis il n'y a personne qui se rend compte de rien. Puis c'est justement, il a beaucoup aimé ça, parce qu'il dit, je prends des photos du monde, puis le monde, ils font juste me regarder, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais pose pas de questions. Il dit, quand je me promène avec la caméra, là, le monde s'arrête, il regarde, il pose des questions, il pose. Il dit, c'est pas la même chose. Non. Il dit, c'est le fun pour ça, t'as pas l'impression d'avoir une caméra dans les mains. Puis l'avantage de cet appareil-là, c'est que t'as pas besoin de nécessairement faire ta mise au foyer, ton focus, parce que tu peux le refaire par après. Donc, on en reparlera de ça parce qu'il y a certaines limitations, mais oui, c'est intéressant. Je reviendrai peut-être tantôt quand on abordera, si on aborde les photos de voyage, parce que moi, mon meilleur investissement pour les photos de voyage, ça a été un objectif super long parce que, justement, ce que j'aime, c'est d'être dans une foule puis prendre des photos où je suis un peu incognito, pas m'approcher des gens, mais faire des portraits qui sont le plus fidèles et naturels aux activités que les gens sont en train de faire. Puis le monde sont mal à l'aise des fois quand ils exactement. Mais pour revenir au iPhone, c'est sûr que la plus connue, la plus utilisée, celle qui fait le plus jaser, c'est bien sûr Instagram. Mm-hmm. Surtout depuis son acquisition par Facebook à $1 milliard. Maintenant, tout le monde connaît Instagram. Est-ce que Facebook a fait quelque chose avec ça? Facebook a lancé la semaine dernière, son application caméra qui, franchement, moi, m'a déçue parce que c'est une version plus fermée d'Instagram. Ce que j'aime beaucoup d'Instagram, puis ce qui en a fait son succès, c'est que c'est vraiment une application où le social est mis de l'avant. Donc, on a la compulsion de partager nos photos, de les montrer, même si les filtres, les capacités de traitement de photos sont assez limitées dans Instagram. Il y a 17 filtres à Instagram. Donc, c'est pas énorme, puis c'est des filtres qui sont préprogrammés. Donc, aucune possibilité d'ajustement. Tu prends ta photo, tu la filtres, tu la publies, puis... Ouais. That's what you get. Ce que Facebook a fait avec caméra. Non, ce que j'allais dire, moi, de toute façon, c'est que j'utilise pas nécessairement Instagram pour prendre ma photo. C'est maintenant. Ça, pour la partager. Ça va être pour la partager. C'est ça, exactement. Mais il y en a qui prennent des photos avec des DSLR et qui la partagent avec Instagram. Ce qui est quand même assez incroyable dans cas moi. Là, mais... Vous avez tous Instagram, j'imagine. Oui. Okay, bon, moi, je suis un petit peu arriéré là-dessus. Je prends presque pas de photos avec mon iPhone. Oui, mais c'est parce que tu as encore un 3GS qui est un petit peu moins performant, peut-être, parce que moi, j'en prends beaucoup plus depuis que j'ai le 4S. Ah oui, OK. Oui. Mais moi, je l'utilisais beaucoup, le 3GS à Instagram, à l'époque, parce que, justement, le traitement que les filtres font sur les photos, de toute façon, ça dégrade la qualité de la photo en termes de netteté, ça la rend plus floue. C'est vraiment pour créer c'est plus des émotions qu'on cherche dans Instagram. C'est un moment, c'est un petit truc. Il y a beaucoup de fils qui s'inspirent. C'est de l'artistique. C'est ça, mais il y a beaucoup de fils qui sont nostalgiques, qui s'inspirent un peu des fils des années 70, des photos jaunies, trucs comme ça. On en voit peut-être ça. Le cul de la photo jaunie, là, Instagram, il va vraiment fort avec ça. Mais pour ce qui est de caméra de Facebook, il y a un petit peu plus de filtres dans caméra, mais c'est vraiment dommage parce que sur Instagram, on est capable de partager dans tous nos réseaux sociaux quand on est très actif sur les intertubes. Alors que dans caméra de Facebook, c'est seulement sur Facebook. Ça me surprend. Puis, ça sert aussi, les photos qu'on voit dans l'application, c'est les photos de Facebook, de nos amis qui sont dans Facebook. Fait que si vous êtes quelqu'un qui va régulièrement sur Facebook, qui voyez les fils de leurs amis assez régulièrement, vous allez voir le même contenu dans l'application caméra. Donc, c'est un peu... C'est moyen. Quelqu'un qui a Instagram, il n'y aura pas de plaisir à aller dans caméra de Facebook. Fait qu'on se demande vraiment... On se demande vraiment ce qu'ils vont faire avec Instagram. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire évoluer? Est-ce que caméra va évoluer vers autre chose? Pour l'instant, c'est dans le flou, mais c'est beaucoup d'argent pour une application qui était gratuite. Je pense que tout le monde s'entend pour le dire. Moi, pour me faire l'avocat du diable, j'en vois beaucoup passer des photos d'Instagram, sur Facebook, un peu partout. Il y a beaucoup de filtres qui se ressemblent. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la touche personnelle de quelqu'un en particulier parce que je mets un filtre, puis that's it, il est c'est là. Ça, il y en a beaucoup qui se moi, je travaille avec contrôle, un logiciel là. Lightroom qui est full manuel. Je dis pas que c'est mieux, là, mais J'ai l'impression que je peux mettre un petit peu moins, plus d'effets qu'Instagram. Moi, c'est ma grande critique d'Instagram. C'est-à-dire que j'ai des fois, je voudrais juste comme... Ma photo est super bonne. Je voudrais juste ajuster un petit peu le contraste ou mettre une petite luminosité différente. Puis t'as pas le temps pas cette flexibilité. Puis c'est pour ça que moi, je préfère... J'utilise pas beaucoup Instagram. Je préfère Caméra Plus sur iPhone parce que tu peux le faire, justement, avec Caméra Plus. Mais ça, on le voit beaucoup parce que les gens qui ont été je vais le dire en anglais, des early adopters d'Instagram, se sont tannés d'Instagram, puis là, ils sont en train justement de passer à autre chose, mais d'utiliser Instagram quand même comme plateforme de diffusion pour leurs photos. Ouais. Mais ça reste quand même que la plus connue, la plus utilisée, on parlait de 27 millions d'utilisateurs avant la sortie de la version Android. C'est énorme. C'est quand même ça a démocratisé un peu la photo et le traitement photo, si on veut, même si c'est très de base, très basic. Tout le monde s'y retrouve, là, tout le monde est capable de prendre une photo, dire « Ah, ben je vais y ajouter un petit effet. » Oui, ils ont parti de la vague. Oui, puis le fait aussi, comme ils ont été les premiers, ben il y a tout un culte qui est né de ça. Il y a plein de sites qui offrent maintenant des produits dérivés. On peut faire imprimer sur StickyGram, par exemple, ses photos Instagram préférées sur des autocollants, sur des toiles pour mettre au mur. Ah, ben oui, il y a de l'argent à faire. Pour des aimants. Ouais. Bon, il y a toutes sortes de produits dérivés. Il y a même... un groupe, je sais pas si vous connaissez la gang du rallye Instagram. Oui. C'est une activité, ils sont rendus au troisième, je pense, Donc, c'est une gang de tripeux d'Instagram, de photographie numérique qui ont décidé de se faire un petit concours, un peu comme une course Destination Monde où ils se donnent une quarantaine de catégories, ils ont une semaine pour prendre 40 photos, les gens se mettent ça via Instagram, ensuite on vote, puis c'est les meilleurs clichés qui gagnent. C'est vraiment super trippant. Il y a des gens qui sont super créatifs avec Instagram. J'en doute pas. Mais encore là, c'est vraiment le cadrage qui va faire la différence. Puis c'est aussi, moi, ce que je remarque avec Instagram, c'est les photos, à l'ombre, en basse luminosité, c'est ces photos-là qui vont être le plus intéressantes dans Instagram. Mm-hmm. Une photo prise au soleil va être souvent trop exposée, ça va donner quelque chose de trop brillant. C'est une question de contraste. Là, j'imagine, quand il y a du soleil, le contraste est moins important. Puis d'ailleurs, maintenant, Instagram est disponible, je crois, sur Android. Oui, maintenant, avec près d'1 million d'utilisateurs déjà. Sont, c'est quand même pas mal. Oui, oui. D'ailleurs, les fanboys d'Apple ont été vraiment... Il y en a qui ont été outrés. Là. Il y a eu comme un tollé de protestation parce que... Oh mon Dieu, leur application fétiche était Rendue pour Android. Ça a été un peu n'importe on quoi. On les aime pas, les fanboys. Sauf les Canon fanboys. Notre histoire, c'est ça. Donc, une autre application qui est très, très populaire, c'est Epistamatic. C'est justement avec cette application-là que M. Winter a pris sa photo gagnante des militaires en Afghanistan. Epistamatic, ici, déjà de base, Instagram était gratuit. Hein, fait que ça, c'est une de ses grandes forces aussi. Epistamatic, la version de base est $1.99. Ça donne accès à 3 lentilles puis à 3 types de films. Ensuite, c'est 99 sous pour acheter différents paquets de lentilles, de films et de flash. Là, on parle de deux applications qui se ressemblent. Epistamatic, c'est la alors qu'Instagram, on peut prendre des photos avec sa caméra, les importer dans Instagram, les traiter dans Instagram. Epistamatic, c'est vraiment, ça émule vraiment les vieilles caméras rétro. Ouais, tu peux pas prendre une photo, la traiter dans Epistamatic, tu dois absolument la prendre dans Epistamatic. Moi, j'ai pas aimé l'ergonomie de l'interface. Moi non plus, du tout. Au début, je l'ai aimé. J'ai bien apprécié tout le concept d'avoir, comme on disait, là, tu prends des photos comme si tu avais une vieille caméra. Mm-hmm. Ça, je trouvais ça vraiment trippant. Mais à longue, à longue, j'ai trouvé ça fatigant. À longue, j'avoue que je me suis tannée. Vraiment ce que ça va donner. La semaine passée, je l'ai effacé de mon téléphone parce que je l'utilisais plus. Puis elle est chère, je trouve, pour ce qu'elle est. Oui. À moins de vraiment triper sur les rétro-caméras à l'os puis de pas vouloir aller sur eBay acheter des caméras vintage. Mm-hmm. Mais de toute façon, des effets de même, tu es capable de le faire avec un peu de temps. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais La poésie d'Epistamatic, c'est vraiment de dire « Ok, je vais prendre un film, je vais prendre une lentille, je vais prendre un flash, puis je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. » C'est l'espèce de nostalgie des anciennes caméras. C'est d'être forcé par le format à prendre quelque chose, un peu comme quelqu'un qui va prendre une 50 mm, un objectif fixe, puis il est pris. Tu es obligé de bouger, tu es obligé obligé de faire quelque chose. Mais même là, le viseur dans Epistamatic est tellement petit que c'est... Mais ça serait pas dans l'esprit, justement, du sens. Exactement, exactement. Moi, j'ai shooté avec une petite Brownies, là, puis c'est tu pointes puis tu pèses sur le piton, puis t'espères qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va sortir sur la photo, parce que c'est à peu près impossible de cadrer. Puis même quand tu cadres quelque chose d'hyper précis, avec Epistamatic, ça m'est arrivé souvent, dire, ben OK, je vais prendre une photo, je sais pas moi, de Christian qui est en face de moi, je le cadre dans mon viseur, puis au développement de la photo dans l'application, ben, je me rends compte que finalement, il a pris le coin de son ordinateur, ses mains, tu sais, ça fait vraiment l'effet d'une vieille caméra rétro, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Puis si ma mémoire est bonne, parce que ça fait très longtemps aussi, les photos sont longues à arriver. Oui, c'est du long. Développement. Ouais, c'est ça. Dans l'esprit. Dans le temps, ça prenait deux semaines. Je sais, mais tu sais, je sais pas. Ça, j'ai trouvé ça ordinaire un peu. Je trouvais que c'était long. Je comprenais pas vraiment le but. Tu sais, de forcer le format, c'est une chose, mais je sais pas. J'avoue que ce bout-là, ça m'a un peu gossé. Moi, mon plus grand irritant, c'est vraiment le fait de partir avec un kit de base puis de devoir acheter des packs. Surtout que tu peux pas vraiment les tester avant de les acheter. En effet. Alors que des applications photo qui font plein de trucs tripants, il y en a des à poche puis à pelle maintenant. Pour moi, de devoir payer jusqu'à 10$ pour avoir une application complète qui fait ça, je vois moins le but de mettre mes dollars dans cette application-là. Mm-hmm. Mon coup de cœur, c'est une application qui s'appelle PhotoForge 2. C'est 2,99$ dans l'App Store. Mais c'est vraiment le meilleur 2,99$ qu'on peut pas investir. J'ai pas testé Caméra Plus que Christian aime bien, mais PhotoForge. Installé à l'instant. PhotoForge, ceux qui sont habitués d'utiliser Photoshop vont s'y retrouver. C'est vraiment une application qui est super complète, qui permet par exemple de prendre des photos qui ont déjà été prises par l'appareil, puis ensuite de les traiter. On a vraiment beaucoup de flexibilité quand pour les ajustements, par exemple, de luminosité, de contraste, ajouter les différentes courbes de couleurs, ajouter des filtres, rogner les photos, les tourner. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ressemblent vraiment à Photoshop. Il y a même la possibilité d'utiliser les différents filtres sur des layers, des calques différents dans la photo. Les options de partage sont vraiment complètes. Ça permet vraiment de partager dans tous les réseaux sociaux, de l'envoyer par courriel. C'est assez quand même intuitif. Sur une tablette, ça va mieux, j'imagine, que sur un téléphone. Probablement. Je ne l'ai pas essayé sur tablette, mais tu sais, la sur caméra téléphone, d'une tablette. C'est tout petit quand même. Oui, là. Mais ça reste quand même que j'ai eu... ça ne remplacera jamais Photoshop, mais pour justement Pour travailler tes photos d'iPhone, ça vaut-tu la peine de porter ça dans Photoshop et de les ramener dans le téléphone? Ça commence à être compliqué un peu. Mais toutes les limitations que je reprochais à Instagram, PhotoForge, je les contourne haut la main. Ce que tu m'as montré tout à l'heure, tu sais, comme je suis un fan de Caméra Plus, ça fonctionne très bien, mais les calques, ça, c'est majeur. Parce que moi, il y a des fois où que, genre, j'ai pris une photo puis j'aurais aimé ça améliorer le contraste puis mettre un petit effet après. C'est l'un ou l'autre. T'as tandis qu'avec lui, tu peux. C'est ça. Ce que j'adore, c'est ça. C'est que tu as l'historique ou c'est des modifications que tu as faites sur les photos. Fait que s'il y a une modification que tu aimes un peu moins, ben tu peux retourner en arrière. Bon, fait que ça permet quand même d'expérimenter puis de voir les différentes versions qu'on peut faire d'une photo. Franchement, c'est mon coup de cœur. Je suis une grande fan aussi. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, j'adore le vignettage. Bon, je sais, c'est un peu cheesy, mais j'adore non, le vignettage. C'est peut-être intéressant d'expliquer c'est quoi, par contre, parce que beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi. Vas-y, fais-toi plaisir, Christian. Pourquoi je me suis pogné ça? Mais là, Engagez-vous Non, regarde, c'est toi qui parles. Bon. Je vais me lancer, tu compléteras si jamais j'ai pas terminé. Vignettage, ben tu l'as parlé tantôt quand on utilisait l'objectif poisson, le fisheye. Oui. C'est quand on a l'effet un petit peu de rond qui vient faire un rond noir autour de la photo, dans les bordures de la photo. Je sais pas si tu veux rajouter... Ben, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est, mettons, comme tu dis, c'est vrai. Puis, ça peut être rond noir, mais le vignettage, c'est aussi... Quand on va avoir un objectif grand angle, il va avoir un peu de noir dans tes coins. Pas nécessairement noir, c'est juste assombri. C'est ça. L'affaire, c'est que comme je reviens à notre plein capteur versus capteur rogné, comme ton capteur est rogné, la première chose qui est rognée, c'est les coins. Les côtés. Donc, le vignettage disparaît. En grosse partie. Ça peut être un très bon avantage, par contre, en réalité, pour certaines personnes qui n'aiment pas ça. Ça disparaît complètement. Fait que ça peut être le fun si t'aimes ça. Ben moi j'aime beaucoup le vignettage parce moi, que c'est, pas ça, je Je trouve que sur certaines photos, ça permet que le sujet soit plus détaché. Je te dirais qu'en filtre, avec Aperture, j'y rajoute à l'occasion du vignettage un peu, j'haïs pas ça. Oui, ça met de l'emphase sur le sujet. Ouais. Pour des photos de spectacle, ça aide beaucoup justement à faire ressortir certains éléments là, que j'apprécie beaucoup. Non, il y a beaucoup d'options de vignettage. C'est souvent surutilisé, c'est ça qui arrive. Ouais. Comme avec certains effets, tantôt que je mentionnais ce qu'on voit sur Instagram, on va parler par exemple de baby lens, d'effet vaseline. Vaseline ou de défocusser toute l'image sauf une partie. Ça, c'est des émulations de lentilles qui existent pour ça, vrai. C'est le fameux tilt shift. Le tilt shift, baby lens. Le décentrement à bascule. Oui, c'est de dé. Ou même l'essayer de faire un effet de profondeur de champ avec ça, mais c'est raté, par exemple. Bon, mais là, l'effet tout le monde l'utilise. Il y en a qui l'utilisent mieux que d'autres. Oui, n'importe quoi. Mais j'en vois de ça, ça se peut pas. Tu sais, je suis plus capable. Il y en a juste trop de ça. Le vignettage, c'est la même chose. Je trouve qu'il y en a trop de ça. Par contre, il y a toujours une bonne situation pour l'utiliser. Puis, ce que tu disais tantôt, en show, en spectacle, ça détourne l'attention des contours de l'image, ou ce que c'est souvent moins intéressant. Tu sais, je l'utilise beaucoup quand je fais, par exemple, quand je suis en convention puis je prends des photos de costumédiens. Oh! ceux qui font du cosplay, pour ceux qui parlent français. Ça se relance ce soir. parce que, justement, dans les conventions, souvent, c'est un éclairage qui est très cru. Les arrière-plans sont souvent quelconques. C'est des arrière-plans de kiosques. C'est un peu n'importe quoi. Fait que le vignettage vient parfois sauver mes arrière-plans parce que je suis un peu une nazie du background. C'est mon... Non, mais c'est vrai, tu te promènes beaucoup ton objectif 50 mm. Oui, moi, je suis une nazie du background. C'est ça. Ouais. En voyage, si vous regardez mes photos de voyage, vous avez l'impression que je suis seule dans l'univers parce que justement, je me fais un point d'honneur. À moins de décider de faire un portrait où il y a des gens dans ma photo, il n'y aura jamais personne dans une photo de monument parce que je vais me coucher à terre pour cacher les gens derrière des parties de l'objectif, du monument. Je déteste avoir des gens dans mes photos qui ne sont pas souhaités. Mais c'est drôle, non, mais je pense un peu comme toi aussi. Moi aussi. Mais j'essaie d'en prendre parce que des fois, ça ajoute une dimension où ça donne. Oui, mais ça dépend. Si je choisis que les gens soient là, ils sont là. Ça rejoint ce qu'on veut tous faire dans la vie quand on visite un lieu. On aimerait ça être seul sur place. Oui, c'est sûr. Tu te retrouves sur la Grande Muraille de Chine. T'as pas envie d'être 300 là, à la voir en même temps. T'as envie de vivre ça. C'est un moment assez. Tu veux montrer la solitude aussi. Ouais, je sais. Fait que tu voudrais être seul. Puis tu veux le représenter en photo, j'imagine. Mm. C'est ça que tu veux faire. Mm. Disons donc, Photoforge. Oui. Je fais le tour. Ah, il y a une application chinoise que je vais me risquer sur le nom, qui est Xuxu Meitu Technologie. C'est une application qui est gratuite, qui est sortie en 2011. Moi, j'ai eu du fun avec cette application-là parce que, justement, Photoforge n'existait pas dans ce temps-là. C'est une application qui est sortie quand il y avait un peu moins de choix. Le gros défaut, c'est que ça sauve les photos en PNG puis ça diminue beaucoup la qualité. Mais si vous tripez filtre, puis cadre étrange et surimposition d'étoiles et de petits cœurs et de chats, c'est l'application pour vous. Okay, c'est une application pour enfants? Là. C'est une application asiatique qui est gratuite. Puis elle permet de faire aussi des petits montages avec des photos. Ça donne vraiment, là, pour une gratuite, j'ai eu du plaisir avec cette application-là à faire des affaires complètement incongrues, comme seuls les Asiatiques peuvent nous en faire. Je pense que ça serait souhaitable que je mette le lien sur le blog parce qu'il est à peu près impossible à trouver maintenant parce qu'elle a été déclassée dans le palmarès des applications gratuites les plus téléchargées, étant donné qu'il y en a beaucoup d'autres. Caméra de Facebook, j'en ai parlé tantôt. Ah, des petites applications, le fun, 5 minutes. J'y vais en rafale. Color Splash à 99 sous. C'est une petite application sympathique qui permet de prendre une photo en couleur, la mettre en noir et blanc, mais garder un élément de couleur dans la photo. C'est vraiment rigolo. 5 minutes de temps. Incrediboot. Non, mais c'est vraiment des applications, on télécharge. Après 5 minutes, on n'est plus capable. Non, mais on télécharge, on l'a, on s'amuse un peu avec, puis après ça, c'est fini. Incrediboot, pour ceux qui sont fans des photos, des kiosques à photos de centres d'achat des années 70. Les photomatons. Okay. Oh les photomatons, exactement. Oui. Donc, 99 sous, vous avez votre photomaton dans votre poche, fait que si vous êtes nostalgique de ça. Comic Book, qui est vraiment sympathique, qui vous permet de prendre une photo puis d'en faire une petite bande dessinée style comic américain à 1,99. PXL à 99 sous, prend une photo puis la pixelise de façon artistique. On ne reconnaît pas vraiment c'est quoi, mais c'est cute, c'est beau, c'est le fun. Mmh. PhotoSynth, c'est gratuit. Ça permet de faire des 360, panorama 360 très facilement avec son iPhone. Avec une série de photos. Avec une série de photos, mais la façon dont l'application fonctionne, ça te met... moi, ce que j'appelle un fantôme de ta photo précédente, ce qui te permet d'aligner ta deuxième photo. Pour donc, éviter la, pour une stretching. Gratuite, là, ça peut être intéressant, surtout justement en photo de voyage, là, quand vous voulez montrer en haut de la pyramide du soleil à Mexico, comment c'était magnifique, mais que vous ne voulez pas faire un grand panorama. Mm. Ça ferait le tour des applications à fond, peux-tu croire? Mais je ne sais pas si tu connais Halftone aussi, tu parlais de comic book. Non. Ça permet de créer, avec une photo, tu fais comme une case de bande dessinée. Ben, comic book. OK. Bon, donc ça se ressemble. Ben, est-ce qu'elle est moins chère? Je me souviens pas. Elle était peut-être 99 sous, je pense. Alors? Ça sera à voir. Attends, à voir dans les notes. Deux applications presque pareilles sur l'iPhone Store. Yeah, incroyable. Oh, ça s'est jamais vu. Non. C'est sûr qu'à 3 ou 400 000, elles sont vraiment toutes différentes. Oui, exact. Mais bon, si vous avez des coups de cœur, moi, j'adore ça, tester de nouvelles applications. Tessera Caméra Plus, j'ai vu que ouais, tu l'avais. Ouais, moi, oui, j'aime beaucoup. Comme je disais, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu peux contrôler ton ouverture. Je trouve ça intéressant quand même, qu'est-ce que tu es capable de faire avec. Connaissez-vous Snapseed? Non. Ça aussi, c'est intéressant pour justement faire du rognage, des effets. Il y a des effets grunge, dramatiques, vintage. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. Fait que si on est en manque de filtres, c'en est un autre. Oui, on va tout ajouter ça dans les notes de toute façon. Beaucoup de filtres. Parfait. On va maintenant aborder la photo de voyage. Mais juste avant, Caroline, tu voulais nous parler de quelques livres que tu avais lus, que tu avais trouvé intéressants. Mais à vrai dire, c'est dans le sujet parce que c'est trois livres de photos de voyage. Ah, c'est des livres qui ont été édités par la compagnie Lonely Planet, que j'imagine que peut-être que vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Pour ces guides de voyage bien connus. Donc, un guide qui s'appelle Lonely Planet Landscape Photography, Lonely Planet People Photography and Lonely Planet Guide to Travel Photography. C'est trois livres. J'ai vérifié sur Amazon avant de venir ici. Les deux premiers que j'ai nommés, Landscape et People, je ne pense plus qu'ils sont édités. Moi, je les avais pris à la bibliothèque à l'époque, c'est-à-dire il y a un an. C'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés parce que les deux premières choses... ils m'ont appris surtout deux choses. La première chose qu'ils m'ont appris, c'est que faut pas être gêné d'utiliser Photoshop pour retravailler ses photos. Parce qu'en voyage, ça arrive souvent qu'on n'est pas capable de prendre la prise de vue. J'en parlais tantôt, c'est difficile d'éliminer des gens complètement d'une photo, d'aller chercher vraiment le cadre qu'on veut faire parce que, bon, des fois, il y a des monuments, des fois, il y a des constructions, des trucs comme ça. C'est difficile d'avoir la shot qu'on recherche. Donc, d'utiliser Photoshop, ça peut être un bon outil pour rattraper une photo ou un instant qu'on voulait capter. Puis ce que l'auteur disait dans ces livres-là, c'est que les gens qui prétendent ne pas utiliser Photoshop ou un logiciel de traitement d'images pour retravailler leurs images après coup, c'est des menteurs parce que tous les gens le font. C'est clair. Il ne doit pas en avoir bien gros qu'ils le font pas. Ben c'est ça. Mais ça, c'est des livres qui dataient quand même de 2008. Fait qu'à cette époque-là, je pense que c'était un petit peu moins. Les gens à cette époque-là étaient plus puristes. Ils osaient moins avouer qu'ils utilisaient le traitement. C'était mal vu de le dire. De exactement. Alors que tout le monde le faisait. L'autre chose ces livres-là que j'ai retenu de ces livres-là qui m'a beaucoup aidé, c'est dans la composition d'un portrait en voyage. Donc, c'est sûr que quand on voyage, on rencontre des étrangers, il y a des trucs qu'on a le goût de prendre. De demander la permission avant de photographier quelqu'un, voyage ou pas, tu devrais toujours le demander de toute façon. De demander de prendre quelqu'un en photo, c'est quelque chose qui est sensible, c'est quelque chose que j'aimais pas faire avant parce que, je trouve que souvent, ça enlève le naturel de la personne parce que la personne a conscience maintenant qu'il y a une caméra qui va être dirigée vers elle, puis ensuite qui va avoir une photo qui va être prise. Fait que des fois, les gens ont tendance à être mal à l'aise, à poser ou des trucs comme ça. Mais c'est quand même plus respectueux, surtout à l'ère du digital, de demander la permission. La plupart des gens, depuis que je le fais, ne m'ont jamais dit non. Puis je suis arrivée quand même à avoir des images intéressantes. pour contourner le fait de demander la permission et de perdre le naturel de l'instant qu'on voulait photographier, une autre chose que ces livres-là m'ont appris, c'est de voir avec la personne, la photo qu'on voulait prendre, quelle histoire on veut raconter sur cette personne-là. Si c'est un vendeur, par exemple, de sucreries, c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter? Est-ce qu'on veut montrer ses mains? Est-ce qu'on veut montrer les enfants qui sont autour de lui? Est-ce qu'on veut montrer que, par exemple, que son chariot avec ses sucreries il est extrêmement rempli? Donc, de demander la permission, ça permet aussi de penser à l'histoire qu'on veut raconter dans le portrait qu'on veut faire. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, au-delà de la lumière, au-delà de la technicalité, ce qui fait qu'une photo est une bonne photo, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est l'émotion du moment, c'est la lumière, c'est vraiment la composition de la photo. Puis moi, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup de détails, beaucoup plus que dire, ben là, je vais prendre telle lentille, etc. Non, ce que je veux dire, ce que je veux montrer, c'est mon cultivateur de café dans son champ de café, avec à contre-jour, parce que justement, la lumière va éclairer son visage d'une façon un peu étrange, puis ça va montrer encore plus les rides de son visage, puis le fait qu'il vit dans un environnement qui est dur, puis qui le fait travailler, tu sais. Fait que ces trois livres-là, si vous faites de la photo de voyage, si ça vous intéresse, si vous voulez augmenter le niveau de vos photos de voyage, c'est trois super livres. Les photos sont vraiment belles. C'est des photos qui sont prises, évidemment, des guides de Lonely Planet. Il y a beaucoup de bons trucs à aller piger dans ces livres-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les regarder et à les lire aussi. Puis est-ce qu'il y a de la technique là-dedans ou c'est vraiment plus du... Il y a de la technique un peu, mais ça garde vraiment le focus sur la composition puis sur les trucs, par exemple, pratico-pratiques. Dire, OK, tu voyages avec ta caméra, qu'est-ce que tu veux amener? Qu'est-ce qui est le plus utile comme accessoire? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si ta caméra, t'es dans la jungle puis il fait super humide? Comment ta caméra va réagir? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire que ta caméra va mieux fonctionner? Bon. Très intéressant. Fait que c'est des bonnes petites lectures. Oui. Voilà. Bon, parfait. Puis justement, toujours en restant dans la photo de voyage, toi, qu'est-ce que tu aimes faire comme photo, justement? Tu parlais tantôt du cultivateur dans son champ de café. Est-ce que c'est vraiment plus des personnes, des monuments, des scènes de la vie quotidienne? Ben moi, j'ai investi dans une lentille fixe à 50 mm. Franchement, c'est mon coup de cœur parce que j'aime beaucoup photographier des plans rapprochés, que ce soit des objets, des monuments, des détails, des petits trucs de la vie, puis des portraits beaucoup. J'aime pas vraiment faire des paysages. J'aime mieux m'attarder sur les détails, quand tu prends vraiment le temps d'observer une scène, il y a toujours un petit détail qui finit par sortir. C'est ce qui m'intéresse dans une photo de voyage. J'ai pas vraiment envie d'avoir la Tour Eiffel une énième fois comme tous les gens qui ont visité la Tour Eiffel. Je préfère avoir le monsieur qui est à la base de la Tour Eiffel, puis que toutes ces Tours Eiffel étendues, puis que ses mains sont hyper rudes et âgé, parce que tu vois que c'est pas facile ce qu'il fait, il est probablement réfugié d'ailleurs, puis ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les voyages, c'est d'essayer de les saisir, cette essence-là que le touriste moyen va passer à côté. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la photo de voyage. Pour ça, il faut prendre le temps, par exemple. Oui. Puis c'est pour ça aussi que je le dis tantôt. Quand tu voyages seul, ça se fait super bien. Oui. Quand tu as quelqu'un avec toi, ça peut être une source de conflit. Oui. Mais moi, c'est mes enfants, c'est carrément possible. mais en voyageant du haut, moi, je l'ai souvent fait. J'ai averti mon partenaire que je prenais beaucoup de photos. Puis c'était clair, par exemple, OK, là, je me levais super de bonne heure le matin, parce que souvent, moi, je visite des pays qui sont souvent à climat chaud. Mm-hmm. Donc, les meilleurs moments pour prendre les photos, c'est entre 5 heures le matin puis 7 ou 8 heures. Mais pourquoi? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Pourquoi c'est le meilleur moment? Ben, premièrement, parce que la lumière, la plupart du temps, est moins forte qu'un soleil au zénith. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les ombres sont différentes. C'est aussi. Ça. Fait que, puis moi, je préfère. Le golden hour, ça, c'est à 4 heures l'après-midi, par exemple. Il y a les deux. Ça dépend. C'est la hauteur du soleil. Okay. Ouais, c'est pas l'heure. C'est la hauteur du soleil. Le soir. Okay. C'est les deux. Mais en tout cas, moi, avant 11 heures, c'est là où je prends mes meilleures photos. Puis à partir de 4 heures le soir. Après ça, je visite. Je fais d'autres choses, mais je prends pas de photos. Il y a même une application pour ça qui s'appelle Golden Light. Il y a une app pour ça? Oui, il y en a plus qu'une. Oui, il y en a plusieurs. Plus qu'une, selon, j'imagine, latitude, longitude, le temps de l'année. Exactement. Tout ce que tu es, puis il va te dire c'est quoi les heures. Donc, celle que j'utilise, en fait, je ne l'ai jamais vraiment utilisée à date parce que je l'ai installée il y a quelques semaines, mais elle s'appelle Golden Light, L-I-T-E. On va la mettre aussi dans les notes. Mais justement, elle donne l'information sur l'éclairage. Ultra pratique, ça. Oui, absolument. Fait que, moi aussi, petite parenthèse, première de l'émission. Moi, ce que je fais aussi souvent quand je voyage, parce que maintenant, je voyage en famille, je vais me réserver un avant-midi où là, c'est vraiment, je pars, je me loue un vélo, quelque chose. Loue un là, vélo, loue un vélo. Oui, oui. Apportez votre sac à dos ou un truc comme ça, loue un vélo, partez, puis observez. Ou comme moi, j'ai déjà fait, quand on était à Québec, toute la famille, puis j'ai dit à ma blonde, il était 9h le soir, les enfants tous couchés. Moi, je m'en vais. Je pars. Je suis parti pendant 2 heures prendre des photos dans le Vieux-Québec. J'ai fait des photos avec cœur. Hein. J'avais la paix tout seul. Je prenais mon temps. Je faisais mes affaires. Ça peut être intéressant à faire après le soir aussi. Ça peut être, tu sais. Ah, j'ai fait des super bonnes photos là, dans des marchés de nuit. Là, où, j'adore faire des photos de nuit. Fun, moi, c'est ça. Dans mes préférés, ça. Mais je pourrais pas vivre. Moi, pour moi, un voyage, c'est souvent. C'est un voyage de photos. Oui. Ça fait partie autant que de visiter la place. C'est vraiment ça de capter l'essence puis de ramener des souvenirs. Au-delà d'un souvenir, c'est de ramener vraiment des moments. Des pièces, des morceaux d'un certain sens. Ouais. Es-tu capable de vivre personnellement le moment ou ça passe toujours au travers ton objectif? Ça dépend. Il y a des plages horaires où je réserve vraiment. Tu sais, je me souviens à Bali, un matin, j'avais accès à un vélo où je suis allée sur un coin de rue que je savais qu'il était très passant. Puis là, je me suis installée dans un temple un peu caché puis j'étais sur le coin de la rue puis je prenais le quotidien des gens. J'étais là, je pense, pendant 2 heures de temps. J'ai pris probablement une centaine de photos à ce moment-là. Mais c'était vraiment relax de dire que, OK, je regardais le va-et-vient des gens sur des motos. Tu sais, des fois, ils s'empilent là, à 4-5 avec des enfants. Tu sais, je regardais le quotidien des gens, puis je choisissais mes shots. Puis c'était vraiment... Pour moi, c'était, il y en a que c'est la méditation, il y en a que c'est le yoga. Mais pour moi, de prendre ces 2 heures-là, puis de dire, OK, je fais de la photo, je regarde les gens vivre... Ben c'était de m'immerger dans ce quotidien-là puis de prendre le temps de les regarder. Fait que oui, j'essaie de pas voyager justement avec la caméra, l'objectif toujours dans le visage puis d'avoir l'air d'un... C'est quasiment une extension de moi-même, là. Mais, c'est souvent ça qui arrive. On se concentre tellement à chercher notre photo, on regarde un petit peu partout puis on est toujours au travers de notre objectif puis on le vit pas. Prendre 2 heures, ben ça, c'est un super bon truc, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça non plus. Non, mais c'est là, ça. C'est parfait. C'est de profiter justement des moments qui s'offrent ou de négocier des moments puis dire ou réserver tout simplement un moment. Dire là, je me concentre sur la photo puis le reste du voyage, je profite du voyage lui-même. Mais c'est ça. Tu les as vus, Stéphane, mes photos de Wildwood, où je partais, j'étais avec toute ma famille, ma soeur, ses enfants, et ainsi de suite, où je me levais à 5h30 tous les matins. Je partais avec mon vélo, puis j'allais faire ma grande promenade en vélo, puis j'ai pris à peu près tous les signes rétro à Wildwood. Ouais, les pancartes. Les hôtels entre 5h et 7h, puis après ça, je revenais à la maison à tous les matins. À tous les matins, c'était ma routine. Je me levais, puis là, si les enfants se levaient, les adultes qui étaient là prenaient le relais, mais pour moi, c'était mon rituel photo. Tous les matins, je partais, puis le restant de la journée, je faisais pas de photos du tout de la journée, on profitait de la plage, des trucs comme ça. J'avais l'iPhone pour prendre capter des moments s'il y en avait. Mais sinon, c'était mon moment photo, c'était de me lever à tous les matins. Mais bon, ça, c'était un trip. Ben oui, c'est correct. C'est une bonne idée, moi, je trouve. C'est un beau compromis qui est à faire, qui peut être très intéressant. De toute façon, tu l'as dit, tu es dans un moment où que la luminosité est tellement intéressante. Exactement. Fait que, puis 5h à 7h du matin, mais si t'es chanceux, les enfants dorment encore. Ah oui, ben exactement. Ça bousillait pas la routine, puis ça détruisait pas non plus les vacances des autres, parce que, comme tu l'as dit tantôt, François, c'est peut-être, des fois, c'est un peu source de conflit d'avoir que « Attends, je vais faire ça! » Oui. Ouvre le sac, sors un objectif, ou juste s'installe, puis non, elle est pas bonne, je la refais. Ouais. Ah, moi, j'ai pas le bon objectif, là. Non. Oui. Bon. Ben écoute, merci Caroline d'avoir été là. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Où est-ce qu'on peut te trouver justement dans les intertubes? Sur les intertubes, sur Twitter, en commercial, Caro Cloutier. Sinon, il y a mon blog, mais je pense que ça va être plus simple si l'adresse est sur le blog, Carotte et Litchi. Parce que tu as une collaboratrice, est-ce qu'elle écrit encore avec toi? Plus beaucoup. Elle m'aide à faire des projets, puis je la photographie pendant qu'elle fait ses projets, puis j'écris les billets. Fait OK, bon, parfait. Ouais. Bien, merci beaucoup de ta visite. Merci messieurs beaucoup. Aussi. Merci Stéphane. Très intéressant toujours les sujets. Puis François, Twitter, toi, ça toujours pas? Pas cette semaine encore. Non, cette semaine pas encore. Bon, on se fait agacer sur Twitter que tu viens pas assez vite. Ouais. Là. Ah oui, il commence à... Je sais, c'est le sujet du moment sur Twitter. Comment il y a une pétition qui circule. Ça se fait? Oui, je le sais, j'en ai entendu parler. Évidemment, je ne l'ai pas vu en ligne. Moi, je suggérerais à tous les gens de venir partir une page Facebook pour dire « Amenons François sur Twitter ». Oui, oui, oui. Ben, écoutez, s'il y a assez de gens qui se manifestent... OK, c'est quoi « assez de gens » pour toi? Assez de gens pour moi. Ça serait, disons, un nombre assez... On parle-tu de 50 ou de 50 000, tu sais? Ah non, on parle décidément de plus de 1000 personnes. OK, 6 000. Là, je pourrais considérer... défi, 6 000 personnes aiment la page d'ici 2 semaines. Ah, d'ici le prochain épisode. Il faudrait qu'on ait 1000 personnes qui aiment la page d'Objectif numérique en partant. OK, c'est bon ça. Permettez-moi d'en douter, d'ailleurs, assez fortement. Alors, on compte sur vous, chers auditeurs, pour mettre de la pression sur François afin qu'il joigne les rangs de Twitter. Donc, d'ici là... Il devienne un tweet comme nous. On verra l'épisode 4 s'il a cédé à la pression. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bye.